Thank you. friends. It's called Ditto. Please sit beside her. She's moving from. Can we show you fast? No. Attends, mais je teste un truc. Ah putain, c'est quoi ces messages à la con là? You will you love my little sin. Ah putain, j'ai dit pas jouer. Take on me. Lighting fucking roll my head. Grab me, you make me right. Grab me, you make me cocaïne, cocaïne. Looking for the new kinds of lover. Not a gentleman's a brother. Someone who can make me feel all I want to feel. And tell me all the things that's wanna arrive. Make me lose control. Make me lose inside. Want to kill life. What's the guy? When the clues of reality arrive, I just want you to make me feel I want to feel alive. And tell me all the things that I wanna arrive. Make me lose control. Make me lose control. Make me go inside. Make me lose control. Make me lose control. Make me go inside. Make me go inside. Make me go inside. Make me go inside. Make me lose control. Make me lose control. Make me go inside. Make me go inside. We'll be right back. Et maintenant, on va vous interpréter une nouvelle chanson qu'on vient de composer. Allez, on va vous faire un autre morceau. Il n'existe pas encore, mais on va vous en faire un. Chien. Ah, vous êtes toujours là dans la salle. On va vous chier un morceau. Deux temps, trois vous. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir une bière? Summer's day, what that song. And it's someday, what that song. Après je me casse. Et bien aussi venu la fin du concert. Nous allons bientôt vous quitter ce soir. Merci d'être venus si nombreux sur le lounge. Mais il y a toujours une fin à tout. Ah, ouh, c'est pas où. Mais moi j'y vois, il n'y a pas de dernière. Hein. Voilà, j'entends le public. J'entends le public dans la folie. On a qu'un. Bon ben, ciao. Thank you. Oh, bon, alors...